voudrais parler, mais bon messieurs, vous les poètes de ce temps, mettez panache à votre plume et parlez-nous de votre lune. On vous écoute distraitement, mais ça ne fait rien de temps en temps. Vos idées folles se font chemin et quelquefois on en prend une. Et là-dessus on se raconte comment la terre n'est plus ronde, qu'après la guerre il y a l'après-guerre, qu'entre les deux, eh ben c'est l'entre-deux-guerres. Qu'est-ce qu'il raconte, se dit la dame, en train de faire son repassage. J'ai dû me tromper de programme, a-t-on idée de pareil langage? Je veux me plaindre à la radio, et s'il le faut, à la police, car ces chanteurs sont des idiots, ce sont des fous, des communistes. Tout va très bien dans la paroisse, notre pays est au beau fixe, on a nos enquêteurs royales, c'est pas pour rien, mais qu'est-ce qui va mal? Pardon madame, excusez-moi, je n'ai pas voulu vous embêter, je voulais seulement vous emmener au pays de la liberté. Pour qu'un moment vous oubliez repas, ménage, chambre à coucher, pour qu'un moment vous vous laissiez aller à la folie de mes pensées. Restez à l'ombre de vos choses, n'écoutez pas ces temps perdus, ne changez rien et porte close, ne craignez plus l'inattendu. Partez, partez, mes bons messieurs, vous les poètes de ce temps, mettez enclume à votre plume et ne parlez jamais plus de lune. Et moi, je reprends mes deux mains, pleines de tout, pleines de rien, car maintenant je sais trop bien que vous n'avez besoin de rien.